France Inter. Bonsoir à tous. Pour éviter demain des lettres de reproche, je voudrais signaler tout de suite que cette émission ne s'adresse évidemment pas à toutes les oreilles prudes ou innocentes. En effet, il sera question de sexualité, d'érotisme et même de pornographie. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, le roman d'un roman des plus scandaleux du XXe siècle, Histoire d'eau. En 2012, le best-seller porno soft 50 nuances degrés, écrit par une illustre inconnue britannique, L.E. James, envahit la librairie française avec autant de succès que partout ailleurs. 125 millions d'exemplaires sont vendus dans le monde. Un record? Non. Ce serait oublié Histoire d'eau, livre érotique sorti en 1954, pionnier du genre à tous les égards. Une bombe dans le paysage littéraire français. Et c'est une certaine Pauline Réage qui allume la mèche, pseudonyme mystérieux. Personne, non personne ne sait officiellement qui se cache derrière, sinon son éditeur, Jean-Jacques Pauvert, et son préfacier, Jean Paulhan, l'une des plus grandes figures de l'édition française de cette époque. Attaqué par la critique, la censure, les bien-pensants en général, Histoire d'eau choque autant par son sujet, les pratiques sadomasochistes, que par son auteur, une femme. Mais c'est en réalité la plus farouche lettre d'amour qu'un homme ait jamais reçue, pour reprendre les mots de Jean Paulhan. Notre invitée aujourd'hui, Angie David, écrivaine et directrice générale des éditions Léo Cher. En 2006, elle publie Dominique Horry, La vie secrète de l'auteur d'Histoire d'eau, qui reçoit le prix Goncourt de la biographie. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Vendredi 21 janvier 1955. Cet après-midi d'hiver, le cénacle littéraire parisien s'est donné rendez-vous à la mythique brasserie des Deux Magots, boulevard Saint-Germain. Rideaux verts et or, banquettes rouges et colonnes romaines, le petit théâtre est en place. Depuis 1933, la saison des prix littéraires s'achève ici, exhalant un délicieux parfum de dissidence. Le prix des Deux Magots, prestigieux à l'époque, récompense en effet les jeunes talents prometteurs et laisse les académiques au concours. Le jury est composé d'une dizaine de personnes, professionnels de la profession et quelques néophytes. 5 livres sont en compétition. Mesdames, messieurs, avec une large majorité de 6 voix, le prix des Deux Magots 1955 est attribué à Histoire d'eau de Pauline Réage. Silence dans l'assemblée. La surprise est totale. Rien, non, vraiment rien, de prédestiné Histoire d'eau, Saint Graal. Pensez donc, plutôt l'enfer. Il faut dire que le petit roman de 200 pages les cumule. Tirage confidentiel, roman érotique semi-clandestin, fantasme sadomasochiste, écrit sous pseudonyme, selon toute vraisemblance, par une femme. La photo publiée dans la presse le lendemain est à la hauteur du phénomène. Pauline Réage, le visage recouvert d'une serviette blanche, les mains gantées, tend le livre encadré par les écrivains Raymond Queneau et Albert Simonin, tous deux anciens lauréats du prix. Une mise en scène un peu grotesque qui donne le coup d'envoi du scandale. Mais de quoi cette histoire d'eau est-elle le nom ? Son amant emmène un jour Eau se promener dans un quartier où ils ne vont jamais, le parc Montsouris, le parc Monceau. À l'angle du parc, au coin d'une rue où il n'y a jamais de taxi, après qu'ils se sont promenés dans le parc et assis côte à côte au bord d'une pelouse, ils aperçoivent une voiture, avec un compteur, qui ressemble à un taxi. « Monte », dit-il. Elle monte. Le roman s'ouvre donc avec une portière, celle du taxi qui mène la jeune femme, prénommée Eau, dans un étrange château, à Roissy en France. Ici, les hommes gouvernent, les femmes s'exécutent, esclaves, sexuelles et consentantes. O devra accepter les viols, la torture, les humiliations comme autant de preuves de sa passion pour René, son amant. Comme ça, c'est clair. Et c'est René qui l'amène jusqu'ici. Un ordre sans explication, une soumission sans interrogation. Après 15 jours de traitement sadomasochiste, vécu entre rêves et cauchemars, la jeune femme quitte le château, mais porte la trace de son esclavage, une bague qui l'oblige à se donner à tout individu qui porte la même. À présent, son nouveau maître s'appelle Sir Stephen, sorte d'incarnation divine dont elle tombe totalement amoureuse. Son unique plaisir est alors celui de lui appartenir, jusqu'à marquer ses reins au fer rouge et se percer le sexe de deux disques de métal lourds et encombrants. L'abandon de soi pour O représente l'amour absolu. L'abandon de l'être aimé, l'anéantissement total. C'est ainsi que se termine le roman, avec deux fins possibles proposées en italique. Au lecteur de choisir. Ce fut seulement le jour venu, tous les danseurs partis, que Sir Stephen et le commandant, réveillant Nathalie qui dormait au pied d'O, firent lever O. L'amenèrent au milieu de la cour, lui défirent sa chaîne et son masque, et la renversant sur une table, la possédèrent tour à tour. Dans un dernier chapitre, qui a été supprimé, O retournait à Roissy, où Sir Stephen l'abandonnait. Il existe une seconde fin à l'histoire d'O. C'est que, se voyant sur le point d'être quittée par Sir Stephen, elle préféra mourir. Il y consentit. Histoire d'O, quête mystique de l'amour fou, transcende tous les codes de l'érotisme noir et mêle de façon inédite violence et décence. Oui, la décence est l'une des particularités de l'histoire d'O, et c'est ce qui le place en dehors des productions érotiques ordinaires. Car le style de Pauline Réage est superbe, la phrase est longue, le langage châtié, le propos érudit. C'est cet écart entre la forme et le fond, les imparfaits du subjonctif et les corsetés de cuir qui fait la force singulière d'histoire d'O. Mais pour le moment, il faut bien avouer que, mis à part le jury de Domago, pas grand monde ne l'a lu, ce chef-d'œuvre érotique et anonyme. Cela fait pourtant 6 mois qu'il est sorti, en toute discrétion, en juin 1954. Son éditeur, Jean-Jacques Pauvert, est encore un illustre inconnu, et le tirage est faible, quoi, 2000 exemplaires, tout au plus. Congruité tout de même, la renommée prestigieuse du préfacier Jean Paulhan, membre du comité de lecture de Gallimard et directeur de la nouvelle revue française, la NRF, s'il vous plaît. Mieux encore, c'est lui, l'éminence grise des lettres françaises, comme on le surnomme, qui est à l'origine de la publication d'Histoire d'O. Oui, c'est lui qui, au cours de l'hiver 53-54, est venu trouver Jean-Jacques Pauvert, un mystérieux manuscrit sous le bras. Le jeune éditeur s'en souvient comme si c'était hier et le raconte sur le plateau d'Apostrophe en 1995. Je peux vous dire par exemple que quand j'ai lu le manuscrit d'Histoire d'O, d'abord je l'ai lu en 2 heures comme ça, je ne l'ai pas lâché et j'avais deux excitations. C'était l'excitation érotique parce que lire Histoire d'O en manuscrit en 1953, hein, c'est quand même quelque chose. Et puis, l'excitation de l'éditeur, je me disais, ça c'est mon livre, c'est le livre du siècle. Je l'ai dit, j'en ai vendu 800. Bon. Mais ça a été après le livre du siècle. Le voilà, le livre que cherchait depuis des années le sulfureux Jean-Jacques Pauvert. Et ça vient de loin. Adolescent, il tombe sur un lot clandestin d'érotique au milieu duquel brille l'astre noir des 120 journées de Sodome. Sade et ses écrits deviendront l'obsession de sa vie. En 1947, à 21 ans, il débute dans le métier avec la volonté acharnée de devenir le seul éditeur de l'œuvre complète des Marquis, alors banni par la censure. Il commence par la réédition de l'histoire de Juliette qui lui vaut un premier procès. 16 autres suivront. Flambeur, insolent, transgressif, il participe à la redécouverte de la grande littérature libertine du XVIIIe siècle et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Paulhan se met en quête des auteurs contemporains. Dans les années qui suivent, il publie clandestinement l'anglais décrit dans Le Château fermé de André-Pierre de Mandiargues, Le Comte d'Irène d'Aragon et Histoire de l'œil de Georges Bataille. Avant Histoire d'eau, donc en 1954, publié officiellement cette fois. Et Jean-Jacques Pauvert a 27 ans. « Dans les années 50, l'édition érotique est ambivalente. Il n'y a pas de critères précis de moralité, non, c'est à la libre appréciation de chacun, selon les circonstances. Mais Jean Genet, qui écrit aussi sur la sexualité, publié chez Gallimard, eh bien c'est parce qu'il ancre son œuvre dans un combat politique. Le manuscrit de Polydriage, lui, semble être un geste gratuit, ou presque, car un roman érotique écrit par une femme dans les années 50 est en soi d'une extrême audace. Un acte féministe, quoi qu'on en dise et quoi qu'on pense de la soumission. Bien des années plus tard, Jean-Jacques Pauvert, lui, ne sait toujours pas définir l'érotisme. Sauf juridiquement, bien sûr. Juridiquement, quand vous passez en correctionnel, ce qui m'est arrivé, comme vous savez, assez souvent, vous m'accusez d'avoir publié des livres érotiques. Et la définition juridique de l'érotisme, c'est très exactement ce qui trouble les sens. Voilà. C'est vaste. Ah ben c'est vaste, mais c'est vaste comme l'érotisme. Et en 1953, la première lecture du manuscrit L'Histoire d'eau lui trouble en effet les sens. Pauvert accepte immédiatement de publier cette mystérieuse Pauline Réage, sans poser de questions. Le messager Jean Paulhan, lui, peine à cacher sa joie. Ce livre lui tient tellement à cœur. D'autant plus que le jeune éditeur était son dernier espoir. Il avait même proposé le livre au comité de lecture de Gallimard, mais malgré des avis très positifs, le patron, Gaston Gallimard, refuse par peur du scandale. Paulhan est donc allé chercher au Diable Pauvert. Le contrat est immédiatement signé entre les deux hommes, mais nulle part le nom de Pauline Réage n'apparaît. De son côté, Paulhan décide d'écrire la préface du livre, intitulée « Le bonheur dans l'esclavage », un autre scandale. Extrait. Enfin une femme qui avoue. Mais qui avoue quoi? Ce dont les femmes se sont de tout temps défendues, mais jamais plus qu'aujourd'hui. Ce que les hommes de tout temps leur reprochaient. Qu'elles ne cessent pas d'obéir à leur sang, que tout est sexe en elles et jusqu'à l'esprit. Qu'il faudrait sans cesse les nourrir, sans cesse les laver et les farder, sans cesse les battre. Qu'elles ont simplement besoin d'un bon maître et qui se défie de sa bonté. Jean Paulhan souhaite une édition rare et luxueuse. Il pense qu'Histoire d'eau est réservée à un cercle d'initiés. Mais Pauvert refuse, lui veut croire au succès. Il commande un premier tirage à 2000 exemplaires, 23 francs pièce. Il en vend 1200 à quelques lecteurs curieux ou amateurs. La presse, elle, reste muette. En 1994, toujours sur le plateau de France 3, Pauvert tente d'expliquer cette laborieuse publication. C'est sorti presque exactement en même temps que Bonjour Tristesse. C'est très curieux. Ce sont deux livres féminins qui sortent et qui vont avoir deux destinées totalement différentes. J'en ai vendu 1200 la première année avec une sorte de scandale souterrain comme ça qui se répandait. Et les gens ne pouvaient pas croire. Les gens n'ont pas cru deux choses à la sortie. D'abord, beaucoup de gens n'ont pas voulu croire que c'était une femme. Par exemple, Albert Camus, que je connaissais très bien, m'a dit, mais c'est pas possible, mais Jean-Jacques, enfin, tu me racontes des histoires. Une femme ne peut pas écrire des horreurs pareilles. Il y a eu ça. Et puis il y a eu le fait que les libraires, les gens qui parcouraient le livre, se sont dit, mais ça n'est pas possible. Moi, je n'étais pas très connu en 54 encore. Et c'est un éditeur bidon, il met son adresse, c'est une fausse adresse, c'est un livre sous le manteau. Personne n'a jamais mis un livre, et c'était vrai, un livre comme ça. Il faut dire que j'avais quand même déjà fait ça. Mais... Seuls les écrivains dans les grandes revues de l'époque évoquent l'originalité, la grâce d'Histoire d'eau. Georges Bataille, dans la NRF, parle d'une littérature mystique, d'un livre d'exception. La position outrée de François Mauriac est elle aussi restée célèbre. En novembre 54, dans l'Express, il s'insurge contre ces mémoires d'une belle, typique des mœurs littéraires qui le font vomir. Il avoue cependant ne l'avoir jamais lu. Bien, Maurice Nadeau, lui, dévoile dans les lettres nouvelles une part du mystère. Une femme de lettres se cache, dit-on, sous ce pseudonyme. C'est vrai que dans les dîners en ville, on ne parle que de ça, mais qui est le véritable auteur d'Histoire d'eau? Des noms d'hommes circulent sous le manteau. Mandiargue, Malraux, Robrier et surtout Paulhan. Après tout, n'est-ce pas lui qui a signé la préface? Il y a aussi les petits malins qui s'amusent avec l'anagramme de Pauline Réage. À une lettre près, on peut lire « Égérie Paulhan ». Ça vaut signature. Oui, mais qui est-elle, cette Égérie? On évoque alors le nom de Dominique Horry, femme de lettres, secrétaire de rédaction de la NRF aux côtés de Paulhan et sa maîtresse depuis des années, un secret de polichinelle. Jamais pourtant elle n'avait écrit de roman et, franchement, Difficile d'imaginer des fantasmes sadomasochistes sous son tailleur sombre et son élégance discrète. Mais laissons là la question de l'auteur, celle de la censure est bien plus pressante. À sa sortie, Histoire d'eau est une première fois déférée devant la commission du livre. Instrument de censure, né de la loi du 16 juillet 1949, cette commission est le reflet d'une période moralisante où la France, salie par la collaboration, veut se racheter une vertu. Les magistrats, les hauts fonctionnaires et les institutions, qu'ils soient conservateurs, chrétiens, communistes, condamnent le roman. Et la commission rend un rapport accablant. Considérant que ce livre entend retracer les aventures d'une jeune femme qui, pour complaire à son amant, se soumet à tous les caprices érotiques et tous les sévices. Considérant que ce livre, violemment et consciemment immoral, où les scènes de débauche à deux ou plusieurs personnages alternent avec des scènes de cruauté sexuelle, contient un ferment détestable et condamnable, et que par là même, il outrage les bonnes mœurs. Aimez la vie qu'il y a lieu à poursuite. Pourtant, Histoire d'eau n'est pas officiellement interdit. Ça risquerait de faire de la pub. Et comme pour le moment il se vend mal, c'est plutôt pas bouger. Mais 6 mois plus tard, en janvier 1955, l'attribution retentissante du prix des Domago réveille la morale et ses apôtres. Tout commence par une plainte du sénateur Pernot, président de la commission de la justice au Conseil de la République, mais aussi de la Ligue des familles nombreuses. Liberté d'expression, connaît pas, d'abord protéger nos enfants. Ainsi, en juillet 55, un an après la publication d'Histoire d'eau, une information pour outrage aux bonnes mœurs est ouverte. L'éditeur, Jean-Jacques Pauvert, le préfacier Jean Pollan et même le jury du prix des deux magots sont entendus par la brigade mondaine. Tenu, dit-il, par le secret professionnel, Pollan joue de la situation et effraie les enquêteurs. Il déclare « Eh bien oui, je pense connaître l'auteur. À la vérité, assez peu. Des noms, certes, ont circulé, des noms très connus. On parle, par exemple, de Madame Lucifer, femme d'Edgar Faure, homme politique considérable à l'époque. Voyez donc le danger que je courrais et que je ferais courir à des gens respectables si je livrais un seul nom et sur de simples soupçons. » Les interrogatoires et les dépositions durent plusieurs mois, plusieurs années même, jusqu'en 1957. Mais les poursuites ne restent qu'à l'état de menace. Et il n'y aura pas de procès, seulement l'interdiction du livre à l'affichage, à la vente aux mineurs et à la publicité. Rien n'empêche donc Histoire d'eau d'exister, ni de se vendre. Dans le même temps, sa notoriété ne cesse de grandir. En 1989, dans l'émission « Regard de femme » sur France 3, la romancière et éditrice libertine Régine Desforges explique l'impact de ce livre sur sa génération. C'est un livre qui a bouleversé toute une génération d'hommes et de femmes. Car une femme, pour une fois, exposait ses désirs amoureux et c'était des désirs de soumission, d'acceptation du désir de l'homme, jusque dans l'esclavage, jusque dans la mort. Alors, on peut détester, on peut refuser. Moi, je veux dire que quand je l'ai lu, j'avais 20 ans et j'ai été bouleversée. Mais bizarrement, à ce moment-là, je ne me suis pas sentie du tout « oh ». J'ai fait un transfert, je me suis sentie l'homme. Je me suis sentie Sir Stephen. Je comprenais l'attitude de l'homme. Celle d'eau, je ne la comprenais pas. Mais au fond, et franchement, est-il si difficile de deviner qui est Pauline Réage ? Le tout Paris littéraire est tout petit finalement, les infos circulent. La police également a bien un nom en tête, une adresse même, mais n'en fera jamais état. Une sorte d'élégance, pour ainsi dire, d'ancien régime, dira en 74 l'auteur d'Histoire d'eau, toujours ce pseudonyme. Une manière de courtoisie envers une femme inconnue et insignifiante, simplement parce que femme, dira-t-elle. En vérité, cette femme a le bras long. En octobre 59, c'est grâce à ses relations haut placées que toutes les poursuites contre Histoire d'eau sont abandonnées. En tout cas, le secret commence à s'éventer. Dans le milieu littéraire, beaucoup désormais savent qui est Pauline Réage, mais ils ne diront rien, par respect, et puis parce que c'est toujours flatteur d'être dans la confidence, ou de s'y croire. Jean Pollan aussi la connaît bien sûr, et mieux que quiconque. Alors il lui dit « Dominique, quand vous aurez 90 ans, vous direz tout. » Dominique, Mais Dominique, c'est Dominique Horry, sa secrétaire à la NRF, son officieuse, son égérie. Et en effet, elle avouera tout à l'âge de 87 ans, en 1994, piégée par un journaliste américain du New Yorker. C'était donc elle, Pauline Réage, Dominique. En attendant, tout au long de sa vie, elle s'amusera de sa clandestinité et du scandale que son livre ne cessera de provoquer. Des amis sont venus prendre un verre, une heure, et nous avons fait l'amour à plusieurs. Chercher pourquoi, sans autre raison que d'aimer un peu à la déraison, l'amour à plusieurs, c'est bon pour le cœur. Canapé, j'étais près de toi. Oui, mais dans mes bras, ce n'était pas toi. Quand tu t'es penché pour me regarder, juste à cet instant, je t'ai désiré, l'amour a plusieurs. Est-ce bon pour le cœur? Histoire d'eau. Histoire d'eau. Un bouleversant cri d'amour. Sœur Stéphane. Sœur Stéphane. Qui risque pourtant de vous choquer profondément. Histoire d'eau. Le 28 août 1975, plus de 20 ans après sa publication, Histoire d'eau de Pauline Réage est adaptée à l'écran par Just Jacking, le réalisateur d'Emmanuel. Un an après son phénoménal succès, 3 millions de spectateurs, rappelons-le, à ce jour le navet le plus lucratif de l'histoire, le cinéaste français veut renouveler l'exploit et l'époque s'y prête à merveille. En 1975, le cinéma érotique connaît un âge d'or sans précédent et sans suivant. Je vous invite d'ailleurs sur ce point à réécouter en podcast notre émission du 11 mai 2017 intitulée 1975, année érotique. Massacrée par la critique, adaptation vulgaire et pornographique d'une œuvre littéraire, Histoire d'eau, le film, est une énorme réussite commerciale et se place à la 4e place des meilleures entrées de l'année. Si bien qu'après le dévergondage du cinéma voulu par le président Valéry Giscard d'Estaing lui-même, les conservateurs sortent de leur silence. Après l'Église et les mamans inquiètes, s'ajoutent les mouvements féministes. En cette année 75, année internationale de la femme décrétée par l'ONU, beaucoup de féministes critiquent en effet l'image que véhicule des femmes le cinéma porno. De son côté, la principale intéressée, Dominique Horry, alias Pauline Réage, s'amuse à mettre de l'huile sur le feu. En même temps que la sortie du film, qu'elle déteste au demeurant, elle accorde un long entretien à Régine Desforges, publié sous le titre « Oh, m'a dit ». Les bonnes feuilles sont confiées en exclusivité à l'Express, qui les agrémente pour l'occasion d'extraits du vieux livre. Le numéro exceptionnel sort le 1er septembre 1975. Et 20 ans après sa publication, Histoire d'eau fait de nouveaux scandales. Des militants du MLF qui s'insurgent contre la figure de la femme esclave prennent d'assaut les locaux du magazine, écrit « Pas d'argent sur notre corps », inscrivant sur les murs « au rouge à lèvres, insultes et slogans contre Jean-Jacques Servan-Schreiber, directeur de l'Express. Le gouvernement est appelé à sanctionner, il ne se fait pas prier. Depuis des mois, depuis des années même, la presse analyse un phénomène, la pornographie. Un phénomène qui a pris les allures d'un raz-de-marée. À Paris, par exemple, un cinéma sur deux propose un film porno. Mais cette semaine, un événement. Un événement, peut-être l'amorce d'une politique anti-porno, peut-être un virage pour notre société, envahie par une sexualité jugée débordante. Le gouvernement approuve une surtaxe sur les films violents ou pornographiques. Ainsi, le décret du 31 octobre 1975 instaure-t-il pour les films dits pornographiques une TVA majorée à 33%, l'État se réservant un prélèvement supplémentaire de 20% sur les bénéfices et les salles spécialisées perdent leurs subventions. 7 ans après les appels de mai 68 à ne jouissant sans entrave, les bien-pensants reprennent le pouvoir et c'est toute une industrie qui est condamnée sur l'autel de l'ordre moral. Voilà donc pour la réponse de l'État. Et quelle est celle de Dominique Horry, ou Pauline Réage, comme vous voulez? Que rétorque-t-elle aux attaques des mouvements féministes? Il faut alors relire ce long entretien « Oh m'a dit », où elle dit tout, précisément, entre les lignes comme à son habitude. Si elle juge les méthodes de contestation et de revendication du MLF trop virulentes, elle se sent profondément féministe par nature. Son parcours personnel et professionnel est celui d'une femme indépendante et dirigeante. Divorcée, très jeune, elle refuse de se remarier, privilégiant ainsi sa carrière. C'est pas une preuve, ça. Toujours est-il que de journaliste, elle devient éditrice et auteure dans un milieu littéraire où les femmes sont extrêmement minoritaires. Puis, en 1951, elle devient la première femme à entrer au comité de lecture de Gallimard. Avec son seul et unique roman, Histoire d'eau, l'important désormais est de dire les choses, de donner une voix à ces muettes millénaires que sont les femmes, je reprends ces mots. Une femme qui parle de la sexualité des femmes, voilà son acte politique, il est bien politique, et de ce point de vue, c'est une pionnière. En octobre 1994, alors qu'elle a révélé sa véritable identité depuis seulement quelques semaines, Dominique Horry accorde pour la première fois une interview télé à visage découvert sur France 3. Elle a 87 ans, c'est une petite dame paisible à l'intelligence intacte. Enfin une femme à vous, disait Jean Paulhan dans sa préface d'Histoire d'eau, vous savez. Une femme qui écrit un érotique, c'est un scandale épouvantable. Et au fond, je pense qu'il y a, dans le fond, comme point de départ de ce jugement, une estime absurde à l'égard de la moralité des femmes. Les femmes, c'est aussi immoral que les hommes, point la ligne. Personne n'a l'air de s'en être aperçu. Pourquoi est-ce que les femmes seraient plus morales que les hommes? J'ai l'impression, personnellement, qu'elles le sont moins. Puis la journaliste la questionne sur le rôle joué par son illustre amant, Jean Paulhan. L'a-t-il aidé à écrire? Histoire d'eau lui était-il adressé? Je l'ai écrit vraiment seul et je l'ai écrit pour lui, pour l'intéresser, pour lui faire plaisir, pour l'occuper. Je n'avais pas grand-chose à fournir, je n'étais pas très jeune, je n'étais pas particulièrement jolie. Il fallait bien que j'aie quelque chose qui puisse intéresser un homme comme lui. Raconter une histoire, inventer une histoire. Une histoire pas convenable autant que possible. Dans toutes les légendes, il y a toujours une femme qui raconte une histoire à un homme. Chez Razan des temps modernes, Dominique Horry écrit Histoire d'eau à Jean Paulhan comme on écrit une lettre à son amant. À tous les titres, il en est le dépositaire. Le livre est écrit pour lui, avec lui et grâce à lui. C'est à la fois une preuve ardente de son amour et un jeu des amours coupables. D'ailleurs, l'histoire commence comme un défi. Un défi lancé par l'homme qu'elle aime. Écrivez-moi, excitez-moi. Une nuit d'été 51, quand la ville entre dans le silence, elle laisse venir ses fantasmes, ceux qu'elle cache si bien le jour. 60 pages écrites sans hésitation, sans répit, sans rature, comme dans un rêve. Le lendemain matin, elle lui donne ses premiers mots, couchés sur un cahier d'écolier, avec l'angoisse de celle qui craint d'en faire trop, d'être un peu ridicule. Il n'en est rien. Au contraire, c'est un ravissement. Et une partie passionnante se prépare. Pollan lui demande tout le temps la suite, séduit par son écriture froide, mélancolique, terriblement moderne. Mieux, tout cela l'amuse follement. Et ça tombe à pic. L'homme le plus important du milieu littéraire français a fait du jeu sa ligne de conduite, son principe de vie. Ce que certains, d'ailleurs, seraient tentés de réduire à sa passion pour la pétanque, ses compagnons du terrain de boule, évidemment, comme à l'occasion de sa mort, le 9 octobre 1968. Il est noyé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que Pollan aurait aimé ça. Il l'aurait d'abord, oui, oui. Il aimait tout ce qui était surprise dans le jeu, il aimait le jeu, et il le compliquait souvent volontairement, vous savez, derrière les arbres, utilisant le terrain. Les gens qui jouent à la pétanque croient qu'il n'y a pas de règles. Or, Pollan les connaissait toutes, notamment la règle du cercle, la règle des pas, la règle de l'approche. Oui, mais il ne se contentait pas de respecter les règles, il jouait à la Pollan. Au jeu, il était volontiers tricheur. Parce qu'il était joueur et il n'aimait pas perdre. Oh, mais c'est très grave ce que vous dites. Oui, mais... Ceux qui n'ont pas vu Pollan jouer au boule, d'ailleurs, il leur manque quelque chose parce que quand il jouait au boule, il était vraiment lui-même. C'est-à-dire un peu triste, un peu taciturne. Et à la fois, il dominait le problème du jeu comme il a dominé sans cesse les problèmes de littérature. Il n'y a pas de doute. Après la remise en main propre du premier cahier, la suite est envoyée par fragments, sous enveloppe à l'adresse d'une poste restante. L'écriture dure 3 mois. Et Pollan, qui a le goût du flair, comprend d'emblée qu'Histoire d'eau est un livre important. Dominique Horry le laisse seul décider de sa publication. « Quand on donne quelque chose, dit-elle, on le donne. On ne va pas ensuite le reprendre par morceaux, on ne va pas chipoter. » En fait, tout cela l'amuse aussi follement, mais oui, elle qui a toujours cherché la clandestinité, son principe cardinal. Officiellement, elle dira que c'est pour protéger ses vieux parents qu'elle a choisi un pseudonyme. Jamais par honte. Non, plutôt par réserve et surtout par goût. Car Dominique Horry s'appelle en réalité Anne Desclos et a choisi ce premier nom d'emprunt quand elle a débuté sa carrière de journaliste. Pour Histoire d'eau, elle choisit Pauline en l'honneur des deux célèbres dévergondés, Pauline Borghèse et Pauline Roland. Quant à Réage, c'est le nom d'un petit hameau de Seine-et-Marne qu'elle a trouvé joli. Dominique et Pauline sont les différentes facettes d'Anne la mystérieuse. C'est sa part inversée, comme elle dit, elle qui est en apparence si courtoise, si discrète. Et ce sont précisément ces contradictions qui lui permettront de garder le secret pendant 40 ans. Et lorsqu'en 1994, le voile est définitivement levé sur son identité, il n'y a plus personne pour crier au scandale. Autre temps, autre mœurs. Les clichés sur la sexualité des femmes, en revanche, n'ont pas cessé. Et l'avenir de la littérature érotique féminine n'est sans doute plus en France, mais dans les sociétés où le désir des femmes est cadenassé. À l'image de ces romancières du monde arabe qui, à leurs risques et périls, bravent les diktats de la charia pour faire valoir leur droit au plaisir. Pour ne citer qu'elles, la Syrienne Salwa Al-Naimi, la Libanaise Jumana Haddad, ou encore la romancière marocaine appelée Nejma, un pseudonyme venu masqué sur le plateau de Thierry Ardisson il y a quelques années. Comment alors ne pas penser à Dominique Horry, recevant le prix des deux magots entièrement cagoulé? Words, the truth won't stay. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Histoire d'eau avec notre invité Angie David. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à bord. Vous êtes écrivaine et directrice générale des éditions Léo Cher. Et en 2006, vous avez publié Dominique Horry, la vie secrète de l'auteur d'Histoire d'eau, qui a reçu le prix Goncourt de la biographie. Il n'est pas trop tard pour vous féliciter. Comment en êtes-vous déjà arrivé à vous intéresser à l'histoire de Dominique Horry? Alors au départ, c'est Dominique Horry qui m'a intéressée, plus que Histoire d'eau, pour être honnête. C'est la figure d'éditrice et de secrétaire de rédaction de la NRF. Car je travaille comme éditrice aux éditions Léo Cher depuis 17 ans maintenant. Donc à l'époque, ça faisait quelques années, et on avait le projet avec Léo Cher de créer nous-mêmes une revue littéraire qui s'appelle La Revue Littéraire. Et donc j'ai commencé à collectionner des revues littéraires du XXe siècle, et j'ai vu le nom de Dominique Horry apparaître à plusieurs endroits dans des sommaires. Et donc je me suis interrogée sur qui ça pouvait être. Et en me renseignant, j'ai donc découvert que c'était cette femme qui avait été une grande figure des éditions Gallimard, à une époque où effectivement il y avait peu de femmes à des postes d'influence dans l'édition, et qu'elle avait été la maîtresse de Jean Paulhan, et que par ailleurs, elle avait écrit Histoire d'eau. Donc je me suis dit que c'était quand même un personnage absolument passionnant, voyant qu'il n'y avait pas eu de biographie, il n'y avait eu que deux livres d'entretien, que beaucoup de mystères restaient encore à percer. Je me suis lancée dans ce récit. Est-ce que l'art de la dissimulation très élaborée de Dominique Horry, c'est aussi ce qui vous a attiré? Pas seulement, c'est d'abord la carrière littéraire. Et évidemment, vous êtes bien placé pour savoir ce qu'est une carrière littéraire. Mais cet art de la dissimulation, ça vous a vraiment intéressé, ça? Bien sûr, puisque dans un travail biographique, il y a un travail d'enquête. C'est ça qui est le plus intéressant, finalement, d'essayer de retrouver des archives, d'essayer de mettre des mots sur des zones d'ombre dans un parcours. Et là, il y en avait beaucoup. Et je voyais à quel point c'était voulu, c'est-à-dire à un point tel que quand j'ai commencé à travailler sur donc la vie de Dominique Horry, des très proches, dont par exemple la petite fille de Jean Paulhan, Claire Paulhan, qui donc s'occupe de toutes les archives de son grand-père, qui connaît très très bien toutes ces histoires, elle-même pensait, puisque Dominique Horry le lui avait dit, qu'elle avait déposé toutes ses archives à la bibliothèque Jacques Doucet. Or, il n'en était rien. C'est-à-dire, quand je suis arrivée chez Jacques Doucet, on m'a dit « Ah mais non, non, non, on a deux petites cartes postales adressées à Mandiargue, il n'y a rien. » Et donc, même chercher les archives de Dominique Horry a été déjà une certaine... Voilà, c'était un certain travail d'enquête. Un challenge, quoi. C'était un challenge. Donc, c'est vrai que c'était très intéressant, parce que du coup, il fallait tirer un fil, et je ne savais jamais très bien jusqu'où je pourrais aller, et finalement, par chance, j'ai pu quasiment tous les dérouler. Alors, maintenant, à votre avis, d'où vient ce goût de la dissimulation? Parce que ça peut être utile, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que ce n'est pas aussi le marqueur d'une génération? Certains, pas mal d'intellectuels de ces années-là, ont le goût du secret. Je sais pas, peut-être que ça vient aussi de la résistance pour certains d'entre eux. Est-ce qu'il y a ça? Oui, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est la résistance qui leur a donné le goût du secret, ou est-ce que justement la résistance leur a permis d'assouvir ce goût? Ça, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que c'est une génération qui considérait que finalement, en vivant caché, on pouvait vivre heureux, qui ne cherchait pas spécialement à affirmer, à être dans la transparence. Justement, c'est un peu à l'inverse de notre époque, hein. C'est une génération qui considère que on peut faire les choses, ce qui compte c'est de les faire, et ce n'est pas forcément de les faire de manière publique, on peut agir dans l'ombre. Il y avait ça chez Jean Paulhan, donc même un homme, puisque lui-même était donc, comme vous le disiez, une éminence grise, c'est-à-dire que c'est lui qui avait le pouvoir littéraire chez Gallimard, mais c'est pas lui qui l'avait officiellement, puisque c'était quand même Gaston Gallimard, le propriétaire de la maison d'édition. Et elle, en tant que femme, c'était encore plus vrai, puisque finalement, pour qu'une femme puisse avoir à l'époque le pouvoir qu'elle a eu, il fallait mieux le faire dans l'ombre. C'était plus facile pour elle d'agir que s'il avait fallu avancer à visage découvert. Donc je pense qu'il y avait aussi une stratégie au départ. C'est à la fois utile et c'est une question de goût. Et une question de goût, évidemment, puisque c'est aussi des gens qui étaient très pétris de cette culture du 18e. Dominique Horry était une grande lectrice des liaisons dangereuses, et donc tout ce qui est le secret de l'alcôve, les cabinets secrets, où on manigance dans le dos des autres. Bon, c'était évidemment des gens qui aimaient beaucoup ça. Et c'est vrai que la résistance leur a permis d'assouvir cette passion du secret. Ils ont beaucoup aimé, finalement, avancer de manière secrète, cachée. Après la guerre, je pense que cette passion qu'ils ont tous développée pour l'érotisme, pour ce qu'on appelle, pour ce qui est de l'édition érotique, les curiosa, hein, ces livres vendus sous le manteau, je suppose, enfin c'était un petit peu mon interprétation en écrivant le livre, que c'était une manière aussi de retrouver finalement cette clandestinité qui leur avait tant plu pendant la guerre. Et aujourd'hui, on arrive à la dictature de la transparence. C'est vraiment l'inverse. Oui, c'est des gens, je pense, qui auraient été très malheureux aujourd'hui. Oui, j'y pensais. En vous écoutant, je me disais, mais aujourd'hui, ils seraient très malheureux, ces gens-là. Alors, secret bien gardé aussi, celui de sa bisexualité. Vous avez retrouvé de belles et intenses correspondances, notamment entre Dominique Horry et Edith Thomas, c'est ça? Qui était-elle? Oui, alors Edith Thomas était une personne très importante dans sa vie, puisque en fait, elle a eu donc deux grands amours, Jean Paulhan d'un côté et Edith Thomas de l'autre. C'est vrai qu'elle était complètement bisexuelle depuis toujours. Hein. Alors, c'était aussi là, peut-être une génération de jeunes femmes qui, dans les collèges pour jeunes filles, entretenaient une certaine intimité. Donc, son goût des femmes était né à ce moment-là. Et elle a eu ensuite une passion pour cette femme qui était une grande historienne, qui était conservatrice aux Archives nationales et qui était elle-même auteure. Et qui était, c'est ça qui est assez amusant, complètement à l'opposé politiquement, parce que c'était une grande figure communiste, là où Dominique Horry était quand même bien de droite, pas d'extrême droite, mais de droite, une droite républicaine traditionnelle. Et donc, elles ont eu cette passion amoureuse pendant des années, qu'elle a vécu finalement les deux histoires en parallèle. Comme elle n'était pas mariée avec Paulhan, puisqu'il était lui-même marié à une autre femme, elle a pu finalement entretenir ces deux histoires, là aussi de manière assez clandestine finalement. Il y a à la fois, on retombe sur à la fois le goût et l'utilité. Bien sûr, hein, ça lui a permis de vivre ses histoires pleinement. Mmh. Le fait qu'elle soit cachée, qu'elle n'ait pas besoin de l'affirmer. Et en même temps, je pense que ça a rajouté aussi du sel et de la passion. Et ce sont des gens aussi, il faut voir, ce sont des vrais intellectuels. C'est vraiment des personnalités de la littérature. Et donc les choses se vivent aussi beaucoup par des lettres, par des correspondances, par des échanges intellectuels. Ce n'est pas forcément... Tout n'a pas besoin d'être vécu de manière concrète. Oui, et étalé sur les réseaux sociaux. Oui, évidemment. Alors, on continue dans le secret, l'art de la dissimulation. Bah, écoutez, la réponse de Dominique Horry à la question, évidemment, la question, pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de révéler d'être l'auteur d'Histoire d'eau? Donc elle répond, et nous sommes, je le rappelle, en 1994. Moi, j'ai attendu que mes parents soient morts, premièrement. Et puis... Bon, puis que le temps est passé, parce que le temps, ça efface l'impact du scandale. Et puis quand c'est une très vieille dame, on s'aperçoit que c'est une très vieille dame qui a écrit ça, ça, je sais pas ce qu'elle a fait, ça fait, mais probablement ça perd de son scandale. C'est comme si elle était morte, enfin. On peut en parler, elle est pas morte, mais c'est tout juste. C'est vrai d'ailleurs, c'est tout juste, après tout. J'ai 87 ans maintenant. Alors c'est tout juste, il s'en faut pas de beaucoup. Est-ce qu'un jour, vous pouvez imaginer qu'il y aura sur la couverture du livre Histoire d'eau votre nom, Dominique Horry? Qui n'est pas non plus mon nom, pourquoi pas? Alors... C'est aussi un pseudonyme. Ah oui, c'est Anne Desclos, hein, son vrai nom. Cette explication de gentille fille qui ne veut pas choquer ses parents, c'est crédible ou pas? Oui, je pense que c'était quelqu'un qui était très attaché aux convenances. Là aussi, hein, ça paraît bizarre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est l'inverse, il faut absolument s'affranchir de ça, mais à l'époque c'était important. Donc je pense qu'il y avait de ça, je pense aussi qu'elle n'avait pas forcément envie que le scandale soit jeté sur les éditions Gallimard, là où elle occupait une position de pouvoir importante. Donc je suppose que ça a beaucoup joué, et effectivement, il y avait aussi évidemment ce plaisir du double jeu, c'est évident. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup amusé toute sa vie à être célèbre sous un autre nom, hein. Elle aimait bien répéter ça. Et notamment, ça illustre bien cette idée, c'est... une sorte de farce qu'ils ont orchestrée avec Paulhan, puisque donc ils étaient tous les deux membres du comité de lecture de Gallimard, et ils ont présenté le manuscrit de Pauline Réage au comité de lecture, sans évidemment dire de qui il s'agissait. Et donc ils l'ont fait lire à leurs confrères, avant de le proposer à Jean-Jacques Pauvert, et donc ils ont assisté À la réunion du comité, où ils se sont fait évidemment descendre en flèche parce que les autres membres étaient horrifiés de la teneur d'un tel livre. C'est là où Albert Camus a dit « Une femme n'a jamais pu écrire ça. » écrire ça. Et donc, ils se sont vraiment amusés, si vous voulez, de ce genre de situation. Et donc, je pense que ça n'y aurait pas plu, de toute façon, de le signer sous son vrai nom. Et comme elle dit, même son nom n'était pas son nom. Donc, de toute façon, oui, en plus. Voilà, le jeu de tiroir était infini avec elle. C'est une identité en forme de poupée russe. Exactement. Au moins trois. C'était l'époque aussi. Hein. Edgar Faure, qu'on a cité d'ailleurs dans le récit, avait écrit un livre sous le pseudo Edgar Sandé. C'était assez génial. Et puis bien sûr, un peu plus tard, il y a la fameuse affaire Romain Gary et Émile Ajar. On se retrouve dans trois minutes après avoir écouté une autre dame de l'époque, Colette Renard, La nuit d'une demoiselle. La nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement. Ça, c'est bien transgressif aussi, hein. Colette Renard, La nuit d'une demoiselle, et c'est en 1963. Alors, c'était évidemment censuré, mais là, la démarche est, je sais pas si elle est similaire à celle de Dominique Horry, mais elle est parallèle. En tout cas, si on parlait un peu de l'éditrice Dominique Horry, c'est domaine de prédilection littérature, c'était La religion, anthologie de la poésie religieuse française chez Gallimard en 1943. C'est un domaine qu'elle a beaucoup exploré. Oui, alors elle n'était pas spécialement croyante, mais elle était férue de poésie classique des XVIIe et XVIIIe siècles. Et effectivement, elle s'était un petit peu spécialisée. Alors au départ, le projet de cette anthologie qu'elle a publiée donc en 1943, qui lui a permis de rencontrer Jean Paulhan, qui d'une certaine manière a donc changé sa vie, est venu d'une première anthologie qu'elle avait composée avec l'écrivain Thierry Monnier dans les années 30. Donc ça, c'est sa première vie. C'est la première vie, c'est celle justement où elle passe de Anne Desclos à Dominique Horry. Et donc ils avaient ensemble composé une anthologie de poésie qu'elle avait en fait très essentiellement réalisée en ayant elle-même cherché les poèmes à la bibliothèque. Et lui l'avait en réalité signé, comme ça se faisait pas mal à l'époque. Hein, les hommes s'attribuaient le travail des femmes. Et donc dans cette masse de poèmes qu'elle avait rassemblés, il restait beaucoup de poésie religieuse. Et elle a eu donc l'idée de faire un volume avec ses poésies qui restaient. Et donc c'est une problématique qui l'a suivi longtemps et donc on peut retrouver aussi dans Histoire d'eau d'ailleurs, il y a cette dimension. Il y a un lien avec le sacré, Histoire d'eau. Oui, il y a une dimension, enfin en tout cas c'est comme ça vraiment qu'elle l'avait conçue, dans cette idée d'abnégation, d'abandon de soi. Il y a un abandon de eau à Sir Stephen comparable à celui du mystique au corps de Jésus. Et donc, il y avait pour elle cette idée, finalement, qu'il y avait la même dévotion dans cet amour soumis absolu que celui, effectivement, d'un croyant qui sacrifie, qui donne sa vie à Dieu. Et pour elle, d'ailleurs, la prière avait quelque chose quasiment d'obscène, tant il faisait appel à l'intimité. Donc, chez elle, il y a vraiment ce parallèle, finalement. Et je me dis, en entendant tout ça, est-ce que c'était vraiment si difficile de deviner qui était Pauline Réage ? Finalement, avec ces thèmes-là, cette marque-là, connue du milieu littéraire. Non, en fait, rétrospectivement, on se dit que ça ne pouvait être qu'elle. Mais comme on disait tout à l'heure, c'était tellement invraisemblable pour l'esprit des hommes, y compris des grands intellectuels de l'époque, qu'une femme puisse écrire un tel livre, que je pense quand même qu'au départ, ça a fait écran. Et qu'ils se sont dit, peut-être qu'elle l'a inspiré, mais de là à l'avoir écrit, et c'est vrai qu'on a quand même longtemps attribué le mérite à Jean Paulhan, mais très longtemps, c'est-à-dire que même une fois qu'elle avait dit que c'était bien elle, les gens continuaient quand même à en douter. Oui, le préjugé qui aveugle. Oui, absolument. Non, ça a été vraiment tenace. Donc je pense que c'est ce préjugé, même si je suis d'accord avec vous, si on regarde les choses objectivement, c'est évident que c'est elle, ça ne peut être que elle. Le poète Gilbert Lévy faisait partie de ceux qui avaient vraiment deviné, je crois. Oui, c'était le biographe de Sade, donc lui connaissait très très bien la littérature érotique et effectivement il avait comparé avec des textes qu'elle avait pu écrire, parce qu'elle n'avait pas écrit de romans, mais elle avait écrit beaucoup de textes critiques dans la NRF, et donc il avait rassemblé finalement ces textes et comparé, décomposé, il avait pu trouver cette phrase et il avait compris que c'était elle. Alors je continue dans la parabole, la métaphore. Dieu dans Histoire d'eau pourrait être Paulhan dans la vie de Dominique Horry. Il aura été en tout cas son grand amour. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter une dernière archive de Dominique évoquant Paulhan, c'est en 1970. La littérature a été pour Jean Paulhan à la fois la sienne, je veux dire le problème qu'il préoccupait, les livres qu'il a écrits, et celle des autres, qui a compté dans sa vie d'une façon tellement monumentale. Enfin, il a tellement aimé la littérature des autres, il a tellement été de ceux qui ont cherché à faire sortir à chacun ce qu'il avait à dire, et de la manière la plus, autant que possible, personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a fait avec sa maîtresse, comme avec tous ses auteurs, il a fait accoucher du livre qu'elle portait en elle, finalement. Oui, c'est vrai, c'était un petit peu la théorie de Paulhan, c'est que chacun a au moins un livre en soi. C'était sa théorie d'éditeur. Donc Dominique Horry avait un livre en elle, et quel livre ? Par chance, c'était celui-ci. Et c'est exactement ce qu'elle racontait dans l'archive que nous avons écouté tout à l'heure. Elle a effectivement écrit ce livre pour lui, parce que c'était un moment de leur relation amoureuse où Paulhan, je pense, commence à avoir d'autres maîtresses aussi. C'était quand même un homme à femme. Et donc, elle s'inquiète, elle se dit qu'il se désintéresse peut-être un petit peu d'elle et qu'elle n'a plus beaucoup d'atouts finalement pour regagner son cœur. Et donc, elle a cette idée, elle lui dit, je suis capable d'écrire de ces histoires qui vous plaisent. Et lui-même, en doute au départ, il se dit, vraiment, vous seriez capable d'une telle chose ? Et donc, elle va le prendre au mot et lui prouver que oui. Qu'elle est capable de l'essentiel, qu'elle est capable d'écrire. Voilà, d'écrire et d'écrire une histoire comme celle-ci, puisque Paulhan était absolument passionné de Curiosa, il en avait plein ses armoires secrètes. Et donc, c'était vraiment une de ses grandes passions. Et elle savait que là, elle touchait droit au but en lui écrivant un tel livre. Et donc, elle a écrit ce premier chapitre qu'elle lui fait lire ensuite. Et il va tomber complètement un coup de foudre. Il va avoir un véritable coup de foudre pour ce texte. Et il va lui demander ardemment de continuer parce qu'il souhaite absolument lire la suite. Et donc, elle va réussir à continuer à écrire, finalement portée par ce désir que Paulhan porte au livre. Mais tout éditeur se doit d'être un accoucheur, finalement. Je dis ça parce que vous êtes éditrice, vous aussi. Oui, c'est vrai qu'on est censé quand même aider les écrivains. C'est-à-dire qu'il y a ce processus, effectivement, dans la relation avec eux, dans le dialogue avec les auteurs. on est censé les aider à trouver les idées, les thèmes, les livres qu'ils vont pouvoir écrire. Souvent, il y a beaucoup de choses finalement dans une personne, il y a beaucoup de pistes qu'on peut explorer, et dans la relation avec l'éditeur, on va pouvoir préciser finalement quelles sont les thématiques les plus intéressantes, les plus pertinentes que l'auteur doit explorer. Je dirige mon œil vers la pendule et horreur, je vois que l'émission est terminée. Alors, vous pouvez me répondre par oui à cette question. Est-ce que Dominique Horry a été un modèle pour la littérature érotique contemporaine? Je pense à Régine Desforges, Virginie Despentes et autres. Oui. Eh ben voilà. Voilà. Merci. Merci. Merci infiniment. Angie, David, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Histoire d'eau, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour tous vos commentaires. Et merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui.